Le lin faut faire des poches, m'en fous du clap des 27, j'suis dans le fond, les fénères comme en mollo. Bibois pas de 27, j'fais attention à ma santé. Inter sur le terrain de basket, fais attention, ta nina chez moi, porte mes caleçons, mes claquets. En attendant la peau passe, y'a déjà 100K le premier show, j'suis dans une ville de franc-maçon, la pyramide au-dessus de la tour, sur mon chlore, t'adore, nina aime le zizi dur. Un monde de fala, j'suis pas pour. Dans le jeu qui sont ces salopes, nous jamais on galope. Allez, va chercher une canette, petit ça te mettait des carottes. Dans le jeu qui sont ces salopes, nous jamais on galope. Allez, va chercher une canette, petit ça te mettait des carottes. Wow, wow, splash, wow, splash, splash. Je vois que tout le monde se met à rapper. Je crois que ta maman t'a raté. À la prod on fait du karaté. Écoute seulement tu vas finir épaté. Je vais te faire manger du pâté. Tu vas goûter à l'enfer si t'es athée. Ou si t'as fumé ou t'as gratté. Dans ma cellule à la talo je fais un gratin. La concurrence dans les gradins. Fils de pute dans l'OPJ je parle en latin. Pour nous savoir je suis la grande des baratins. T'as daron dans le baratin. Hey shake j'aurais pas dû. Toute la journée je fais des dineros c'est pas dur. T'as croqué un fruit qui est pas mûr. Si tu lignes dans ma cara j'appelle le salon. On s'amuse mais on est prêt à tout pour la mue. S'amuse mais on est prêt à tout pour la mue. Les bitch brr brr. Un fusil à lunettes. Bitch brr brr. Fusil à lunettes. Fumo herba en escale. Non spagnola balé balé. On sait tout ce que tu vas caler. A missile j'allume pas de camel. Entro notte vista laser. Sous la fascia corro Pavel. Parla euro tourbine tab. Tu vois nos vies tu pètes un cap. Alla toi serata. Entro coca et tata. J'ai pas de pote, j'ai une frappe. Lionzo nous siamo la mafia. Nous siamo la mafia. Nous siamo la mafia. Nous siamo la mafia. Nous siamo la mafia. Noi siamo la mafia bitch. E ti schivo perché snitch. Poi ti spremo come un pitch. La tua voce è meglio un mix. O forse è meglio il silenzio. Faccio fumo uno stipendio. Voglio saci, voglio merco. Voglio oro, voglio extendo. Nero va a chercher ton drip. Mon bigo son truc quand ça drop. Donne pas un kiss à la miss à la suce et des tics. Se réveille au tas à la clope. Personne va signer ton deal. Sans casser une seule chaîne. 200 c'est une de plus. 300 c'est beaucoup de chiennes. Big, maman veut sucer ma bite ou mon clap. J'fais ma maison avec l'argent du club. Un trou dans son pull. Un trou dans sa maman. Va chercher à comprendre ces négros sont nuls. On se noyait dedans comme si c'était le Nil. Je savais que ta fille elle envoyait des nudes. Ces négros sont faibles donc je les vois comme des noobs. J'écoute pas les suces, j'écoute pas les français, j'écoute que Medji. C'est tout elle m'a dit. Si tu fais des thunes, je reste avec toi à vie. J'écoute pas les suces, j'écoute pas les français, j'écoute que Medji. Cette pute elle m'a dit, si tu fais des thunes, je reste avec toi à vie.